Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites. Nous sommes tous réunis aujourd'hui dans les rues de Calais et partout en France pour dire non. Nous, on n'en veut pas cette réforme des retraites qui est injuste, qui va juste nous faire crever au travail sans rien avoir de plus, Manu. Nous sommes motivés pour continuer le mouvement, Manu. Ce n'est que le début. Salariés, fonctionnaires, étudiants, retraités, saisonniers, c'est tous ensemble qu'il faut lutter encore. C'est tous ensemble qu'on peut gagner. En cette deuxième mobilisation, nous sommes de plus en plus nombreux. De l'argent, Manu, il y en a de l'argent. Oui, il y en a dans les caisses du patronat. Et pour financer les retraites, c'est dans les caisses du MEDEF qu'on doit aller chercher l'argent. Et pas sur nos salaires. Salariés dans la galère, retraités dans la misère. Cette réforme, Manu, on n'en veut pas. Il faut aller chercher l'argent où il y en a et arrêter de taxer les salariés et les retraités. C'est dans les caisses du MEDEF qu'il faut aller chercher l'argent et on peut nous foutre la paix. On n'en veut pas ta réforme. C'est 60 ans ou rien. Tous les corps de métier sont réunis. Tous les corps de métier sont réunis dans la rue. Les intermittents du spectacle sont dans la rue aussi. Oui, Manu, cette réforme est injuste. On n'en veut pas, Manu.